1 Thessaloniciens chapitre 2. Car, mes frères, vous savez vous-même que notre entrée au milieu de vous n'a point été vaine. Mais quoique nous eussions été auparavant affligés et outragés à Philippe, comme vous savez, nous avons eu le courage, appuyés sur notre Dieu, de vous annoncer l'évangile de Dieu, au milieu de grands combats. Car il n'y a eu dans l'exhortation que nous vous avons faite, ni séduction, ni mauvais motif, ni fraude. Mais comme nous avons été approuvés de Dieu, afin que la prédication de l'Évangile nous fût commise, nous parlons aussi, non comme voulant plaire aux hommes, mais à Dieu, qui approuve nos cœurs. Car aussi nous n'avons jamais été surpris en paroles de flatterie, comme vous le savez, ni en prétexte d'avarice, Dieu en est témoin. Et nous n'avons point cherché la gloire de la part des hommes, ni de vous, ni des autres, quoique nous eussions pu montrer de l'autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été doux au milieu de vous, comme une nourrice qui nourrit tendrement ses enfants. Étant donc ainsi affectionnés envers vous, nous souhaitions de vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi nos propres âmes, parce que vous étiez fort aimés de nous. Car, mes frères, vous vous souvenez de notre peine et de notre travail, vu que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu, en travaillant nuit et jour, pour n'être point à charge à aucun de vous. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, comment nous nous sommes conduits saintement et justement, et sans reproche envers vous qui croyez. Et vous savez que nous avons exhorté et consolé chacun de vous, comme un père exhorte et console ses enfants. Et que nous vous avons conjuré de vous conduire d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons sans cesse grâce à Dieu, de ce que quand vous avez reçu de nous la parole de la prédication de Dieu, vous l'avez reçue non comme une parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, laquelle aussi agit avec efficace en vous qui croyez. Car, mes frères, vous avez imité les églises de Dieu, qui sont dans la Judée en Jésus-Christ, parce que vous avez aussi souffert les mêmes choses de ceux de votre propre nation, comme eux aussi de la part des Juifs, qui ont même mis à mort le Seigneur Jésus, et leurs propres prophètes, et qui nous ont chassés, et qui déplaisent à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux gentils, afin qu'ils soient sauvés, comblant ainsi toujours la mesure de leurs péchés. Or la colère de Dieu est parvenue sur eux jusqu'au plus haut degré. Et pour nous, mes frères, qui avons été séparés de vous en un moment de temps, de vue et non de cœur, nous avons d'autant plus tâché de vous aller voir, que nous en avions un fort grand désir. C'est pourquoi nous avons voulu aller vers vous, au moins moi, Paul, une ou deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous qui êtes devant notre Seigneur Jésus-Christ, au jour de son avènement? Certes vous êtes notre gloire et notre joie.